Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, c'est Lost in Space, votre rendez-vous spécial musiques expérimentales, plutôt électriques, plutôt diverses et variées, sur les ondes de Radioactive, le 100 FM. Ça attaque donc, comme d'habitude, à 21h. Aujourd'hui, émission spéciale en hommage à un ami, Klimperei, autre nom de Christophe Pechanaz, qui a dû réaliser à peu près une soixantaine, voire même 90 disques depuis ces 30 dernières années. Donc on va partir, comme base de cette émission, sur un de ces disques que j'adore, qui s'appelle La Machine à Triboulot. Et donc on va écouter des extraits entrecoupés d'autres morceaux du groupe du même genre, et aussi toujours, bien évidemment, des textes lus et des citations, parfois hors contexte, mais j'espère toujours rigolotes. Donc voilà, c'est parti pour plus de 2 heures de programme de musiques expérimentales. Allez, go! Que faz melhor uma careta? Quem dia maior me tirou pra contar? Quero ver que esse sorriso colorido que você tem pra me dar. Vamos lá inventar a cidade feliz. Onde você for, a gente vai com você. De você for, a gente brilha, brilha, brilha. Onde você for, a gente vai com você. De você for, a gente brilha, brilha, brilha. Onde você for, a gente vai com você. De você for, a gente brilha, brilha, En apparence, ce lieu est simple, il est de pure réciprocité. Nous regardons un tableau d'où un peintre à son tour nous contemple. Rien de plus qu'un face-à-face, que des yeux qui se surprennent, que des regards droits qui, en se croisant, se superposent. Et pourtant, cette mince ligne de visibilité en retour enveloppe tout un réseau complexe d'incertitudes, d'échanges et d'esquives. Le peintre ne dirige les yeux vers nous que dans la mesure où nous nous trouvons à la place de son motif. Nous autres spectateurs, nous sommes en sus. Accueillis sous ce regard, nous sommes chassés par lui, remplacés par ce qui de tout temps s'est trouvé là avant nous, par le modèle lui-même. Mais inversement, le regard du peintre, adressé hors du tableau au vide qui lui fait face, accepte autant de modèles qu'il vient de spectateurs. En ce lieu précis, mais indifférent, le regardant et le regardé s'échangent sans cesse. Nul regard n'est stable, ou plutôt, dans le sillon neutre du regard qui transperce la toile à la perpendiculaire, le sujet et l'objet, le spectateur et le modèle inversent leur rôle à l'infini. Et la grande toile retournée à l'extrême gauche du tableau exerce là sa seconde fonction. Obstinément invisible, elle empêche que soit jamais repérable, ni définitivement établi le rapport des regards. La fixité opaque qu'elle fait régner d'un côté rend pour toujours instable le jeu des métamorphoses qui, au centre, s'établit entre le spectateur et le modèle. Parce que nous ne voyons que cet envers, nous ne savons qui nous sommes ni ce que nous faisons. Vu ou voyant, le peintre fixe actuellement un lieu qui, d'instant en instant, ne cesse de changer de contenu, de forme, de visage, d'identité. Mais l'immobilité attentive de ses yeux renvoie à une autre direction qu'ils ont suivie souvent déjà et que bientôt, à n'en pas douter, ils vont reprendre, celle de la toile immobile sur laquelle se trace, est tracé peut-être depuis longtemps et pour toujours, un portrait qui ne s'effacera jamais plus. Si bien que le regard souverain du peintre commande un triangle virtuel qui définit en son essence ce tableau d'un tableau. Au sommet, seul point visible, les yeux de l'artiste. À la base, d'un côté, l'emplacement invisible du modèle, de l'autre, la figure probablement esquissée sur la toile retournée. Mein Gesicht, es gehört mir nicht. Wasser! Wirkt fast wie ein Schock darin. Ich nehme es nicht lautlos hin. Selbstporträt. Mit Kater. Was habe ich, was habe ich nicht, was habe ich gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe getan, was ich konnte, die Welt zu entzweifeln, bis kein Tropfen Gewissheit mehr übrig war. Nicht, dass in meiner Erinnerung irgendetwas fehlt, bis mir auffällt, dass da eine Lücke klafft zwischen meinen nächtlichen Exerzitien und dieser meiner jetzigen Agonie. Selbstporträt mit Kater. Zwischendurch war ich bereit zu staunen, der große Treibstoff zur Rotation um die eigene Achse. Ich drehte mich um und um und um in meinem taumelnden Mittelpunkt dieses Geschehens. Dass es mich hier nun mal verschlagen hatte, in einer Art von trunkenem Universum, das unverantwortlich, leer und sinnfrei rüberkam in Schüben, altbekannten, grinsenden Wiederholungen, also nicht alles hier war meine Schuld. Wenn in dieser Kälte Schuld überhaupt noch denkbar wäre. Jawohl. Selbstporträt mit Kater. Alle Sterne waren entlegen. Sie standen am Himmel wie Nadelstiche. Die Nacht belichtete ein Mond, der aussah wie bedeckt mit Lebensmittelschimmel. Selbstporträt mit Kater. Was ich sehe am Morgen hat wenig mit mir zu tun. Mich ziert ein schwarzer Strich auf meinen Lippen und der spricht Bände. Fuselöle, Aldehyde, Restalkohol. Ich glaube, ich rufe den chinesischen Arzt gegenüber an. Der soll meine Leber schröpfen oder so. Ich bin gehüllt in ein höchst fragiles Nervenkostüm. in ein höchst fragiles, noch dazu transparentes Nervenkostüm. Doris Day. Selbstporträt. Mit Kater. Astronomen haben den Schnaps im Weltall entdeckt. Irgendwer, er oder sie, haben ihn hinter intergalaktischen Wolken versteckt. Wahrscheinlich zur Sicherheit von schöpferischer Hand markiert. Damit die Weltraumpflegerin sich nicht selbstständig daran delegiert. Für mich reißen irgendwann die Wolken auf und die schönen Frauen, die dahinter warten, füttern mich mit wahrhaftigen Trüffeln, tränken mich endlich mit der Essenz ihrer himmlischen Erscheinung, bis alles um mich herum rubinrot leuchtet. Ich treibe Inzest mit den Sternen. Ich treibe Inzest mit den Sternen. Life on other planets is difficult. Life on other planets is difficult. Life on other planets is difficult. Life on other planets is difficult. Life on other planets is difficult. Life on other planets is difficult, so difficult. Au moment où ils placent le spectateur dans le champ de leur regard, les yeux du peintre le saisissent, le contraignent à entrer dans le tableau, lui assignent un lien à la fois privilégié et obligatoire, prélèvent sur lui sa lumineuse et visible espèce et la projettent sur la surface inaccessible de la toile retournée. Il voit son invisibilité rendue visible pour le peintre et transposée en une image définitivement invisible pour lui-même. Surprise qui est multipliée et rendue plus inévitable encore par un piège marginal. À l'extrême droite, le tableau reçoit sa lumière d'une fenêtre représentée selon une perspective très courte. On n'en voit guère que l'embrasure. Toute la part invisible déborde du tableau si bien que le flux de lumière qu'elle répand largement se trouve partagé. Ou plutôt, il baigne à la fois d'une même générosité deux espaces voisins, entrecroisés mais irréductibles. La surface de la toile avec le volume qu'elle représente, c'est-à-dire l'atelier du peintre ou le salon dans lequel il a installé son chevalet, et en avant de cette surface, le volume réel qu'occupe le spectateur, ou encore le site irréel du modèle. Et parcourant la pièce de droite à gauche, la vaste lumière dorée emporte à la fois le spectateur vers le peintre et le modèle vers la toile. C'est elle aussi qui, en éclairant le peintre, le rend visible au spectateur et fait briller, comme autant de lignes d'or aux yeux du modèle, le cadre de la toile énigmatique où son image transportée va se trouver enclose. Eh oh, la madrie, qu'as-tu fait toute la nuit? Eh oh, la madrie, reste au lit jusqu'à midi. Eh oh, la madrie, il a bu tout mon whisky. Eh oh, la pingri, et aussi le martini. Eh oh, la pingri, tu cours tout nu sous la pluie. Eh oh, la pingri, tu nous fais bien du souci. Eh oh, la pingri, t'as mangé tous les biscuits. Eh oh, la pingri, t'es très beau quand tu souris. Ta femme met des bigoudis. Eh oh, la pingri, tu joueras au mystigri. Eh oh, la pingri, tu iras au paradis. Eh oh, la pingri, tu retrouveras tous tes amis. Mein Mond. weg. Schwarz, schwarz, schwarz. Ich nie mehr. Ça veut dire quoi, ce robot coaster? C'est militaire, ça n'a pas de sens. Et cette main amortensia, qui c'est celui-là? Ah, tais-toi, rame. Les cris des oiseaux pétrifiés à base de cristaux liquides sur une dalle de béton vibrée me font perdre l'équilibre et j'avance comme un somnambule parmi les vertes tentacules et les crissements des tarentules qui pullulent entre mes doigts de pied. Cette planète inhospitalière avec son futur délabré et ma fusée qui s'est détruite et je ne peux pas rentrer à pied et je navigue parmi la foule qui m'emporte comme une houle et je voudrais être une moule bien incrustée sur son rocher. Vive les moules! La solitude engendre l'imagination, la rêverie, la réflexion, la révolte, la masturbation, toutes qualités ou défauts inacceptables dans la société vers laquelle nous évoluons. Vive les moules! De toute façon, nous serons trop nombreux pour qu'il y ait assez de place pour les solitaires. Vive les poules! Un solitaire nécessite un désert autour de lui. Nous sommes destinés à vivre dans une ruche clapier où tout sera communautaire et solitaire. social. Il est évident que tout mutant sera exclu, sera exclu, sera exclu, sera exclu, sera exclu, sera exclu, sera exclu, sera exclu, sera exclu, sera exclu. La politique de l'identité fut également utilisée à Occupy Oakland pour diviser les participants, préserver le rôle de médiation des ONG et des professionnels et décourager les attaques directes contre le système. Un certain nombre de critiques de ce discours émergèrent de l'espace de débat que les occupants avaient créé. Je voudrais citer longuement une critique de ce genre. Les communautés de couleur ne sont pas un ensemble unique et homogène avec des opinions politiques identiques. Il n'y a pas un seul programme politique antiraciste, féministe et queer unifié dont les libéraux blancs peuvent en quelque sorte devenir des alliés, malgré le fait que certains individus ou groupes de couleur puissent prétendre posséder un tel programme. Cette forme particulière de politique d'alliance blanche permet à la fois d'aplanir les différences politiques entre les blancs et d'homogénéiser les populations au nom desquelles ils prétendent parler. Nous croyons que cette politique demeure fondamentalement conservatrice, coercitive et qu'elle force au silence, surtout pour les personnes de couleur qui rejettent l'analyse et le champ d'action offert par la théorie du privilège. I went walking and I saw love. I got talking. But the soldiers would not let me stay. And I got reading, and I learned prosperity had come. And this was Eden. Worms appeared, and truth brushed them away. Once before, he felt so free. let tomorrow be. I can't be so impatient, pushing every answer when there isn't any question. Let me feel good now, and though this may have to end, I hope I'm always with you. Honestly, you're. Ce problème trouve un exemple particulièrement frappant lors de l'Assemblée générale d'Occupy Oakland du 4 décembre 2011. Des alliés blancs d'une association locale de justice sociale du projet Catalyst sont arrivés avec une série d'autres groupes et individus sur la place Oscar Grant, Frank Ogawa, pour parler en faveur d'une proposition visant à renommer Occupy Oakland en décoloniser, libérer Oakland. S'adressant à l'auditoire comme s'il était blanc et homogène, chaque allié blanc expliqua devant l'Assemblée générale que le fait de renoncer à son propre privilège blanc consistait à appuyer la proposition de changement de nom. Pourtant, les réponses publiques à la proposition ont clairement montré qu'un nombre important de personnes de couleur dans l'auditoire, y compris des membres fondateurs du comité d'action tactique, l'un des groupes autonomes les plus actifs et les plus efficaces d'Occupy Oakland, mouvement qui est aussi en majorité composé de personnes de couleur, s'y sont profondément opposés. Thank you.

Ce qui était en jeu, c'était un désaccord politique, un désaccord qui n'était pas clairement divisé selon des critères raciaux. Cependant, l'échec de la proposition de changement de nom a par la suite été largement présenté à tort comme un conflit entre l'Occupy blanc et le groupe décolonisé libéré Auckland. D'après notre expérience, ces fausses représentations ne sont pas des incidents accidentelle ou isolée, mais une caractéristique récurrente d'une part dominante de la politique anti-oppression dans la zone de la baie de San Francisco, qui, au lieu de mobiliser les gens de couleur, les femmes et les queers pour une action indépendante, a constamment gommé la présence des personnes de couleur dans les coalitions interraciales. Tous les légumes au clair de lune étaient en train de s'amuser. Thank you. story short, something new every day. Blood from stone, sticks from trees, bones from clay. Bird held in the hand beats two birds in the bush. Not to beat about the bush, two birds with one. Meanwhile, stone. Rumor is mobile. Makes no difference, is this paper or stone? Cowboys, criminals, police as thick as thieves. La suprématie blanche et les institutions racistes ne seront pas éliminées grâce à des militants blancs sympathiques qui dépensent plusieurs milliers de dollars pour des formations ONGistes sur la diversité, dans le but de les aider à reconnaître leur propre privilège racial et à certifier leur décision de le faire. L'absurdité de la politique du privilège ressente les pratiques antiracistes sur les blancs et leur comportement et suppose que le racisme est souvent par association implicite ou explicite, le sexisme, l'homophobie et la transphobie se manifestent principalement par des privilèges individuels qui peuvent être contrôlés, entre guillemets, abandonnés ou absous par des résolutions individuelles. La politique du privilège dépend en fin de compte entièrement de ce qu'elle condamne précisément, la bienveillance des blancs. Thank you. Les exemples ne cessent d'affluer. Au moment où nous faisions les dernières révisions de la première édition de ce livre, des anarchistes et d'autres personnes à Seattle fêtaient le 1er mai 2013 avec une petite émeute. Les médias déployèrent rapidement le discours que les militants non-violents leur avaient préparé. Les émeutiers étaient de jeunes blancs privilégiés qui faisaient un caca nerveux. Pourtant, il s'avéra par la suite que nombreuses personnes arrêtées pour avoir cassé des vitres ou s'être battues avec la police étaient des sans-abri. Debbie's waiting tables in the back room. Eric's pulling faces on his trip. Didi's Johnny's turning tricks. Johnny's looking for a kiss. Richard's in Beth Israel, smoking on a drip. New York stars, New York stars, New York stars, New York stars. Billy's in a bunker on the Bowery. Joey's in the basement back in Queens. So my New York stars, I wanna swallow you whole. I got a heart unlike the son of a man in the endless sea of rock and roll. New York stars, New York stars, New York stars, New York stars. Yeah, I'm making a glove out of some old stuff. And I'm throwing it down for the real rock and roll animals. Gonna read a poem in St. Mark's Place. One idea is all I'll need for life. So rest in peace, all my childhood freaks, on imaginary rocket rides to 53rd and 3rd. New York stars, New York stars, New York stars, New York stars, New York stars, New York stars, New York stars, New York stars, New York stars, New York stars, New York stars, New York stars, New York stars, paint all day. New York stars, have a breakdown. New York stars, New York stars, Vegas, Vegas, Vegas, New York stars, Vegas, Vegas, Vegas, New York stars, Vegas, Vegas, Vegas, New York stars. Pierre Bourdieu accepte de décrire sa trajectoire personnelle, mais pas de n'importe quelle façon. Il y a des choses qu'il dit et d'autres qu'il ne dit pas, et il s'embrouille comme il le dit, c'est tantôt par exprès, tantôt non. Il reconnaît que pour un sociologue, le passé social, qu'il soit bourgeois ou populaire, est toujours un peu embarrassant. Mais s'il y a réflexivité, le passé peut devenir un atout. Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire avec son passé? Peut-il être surmonté et sublimé scientifiquement? À ces questions, Bourdieu répond « La socio-analyse joue son rôle et permet de rationaliser ses propres stratégies. » Il fait tant gris, oui mais c'est ainsi, c'est ainsi, c'est ainsi. Il fait un temps gris, c'est le temps de la pluie, temps de la pluie, temps de la pluie. Il fait un temps gris, un temps de souris, de souris, de souris. Il fait un temps gris, un temps de parapluie, parapluie, parapluie. Je suis à Paris, je suis loin d'ici, loin d'ici, loin d'ici. gris, tendu gris, tendu gris. Il pleut dans la vie du gris, vie du gris, vie du gris. Je suis mal ici. Car j'ai des ennuis, des ennuis. Je suis mal ici, car j'ai des ennuis. C'est ainsi, c'est ainsi. Seems so cold to me, and I remember when I loved her. She seems so cold to me, but I remember when I loved her. Now we are strange, no more in love. But I still wish that I could hold her. My dream of love has gone, and I remember when I loved her. non sans un système subtil d'esquive. En prenant un peu de distance, le peintre s'est placé à côté de l'ouvrage auquel il travaille. C'est-à-dire que pour le spectateur qui actuellement le regarde, il est à droite de son tableau qui lui occupe toute l'extrême gauche. À ce même spectateur, le tableau tourne le dos. On ne peut en percevoir que l'envers avec l'immense châssis qui le soutient. Le peintre, en revanche, est parfaitement visible dans toute sa stature. En tout cas, il n'est pas masqué par la haute toile qui peut-être va l'absorber tout à l'heure lorsque, faisant un pas vers elle, il se remettra à son travail. Sans doute vient-il, à l'instant même, d'apparaître aux yeux du spectateur, surgissant de cette sorte de grande cage virtuelle qui projette vers l'arrière la surface qu'il est en train de peindre. On peut le voir maintenant, en un instant d'arrêt, au centre neutre de cette oscillation. Sa taille sombre, son visage clair, son mitoyen du visible et de l'invisible. Sortant de cette toile qui nous échappe, il émerge à nos yeux. Mais lorsque bientôt il fera un pas vers la droite en se dérobant à nos regards, il se trouvera placé juste en face de la toile qu'il est en train de peindre. Il entrera dans cette région où son tableau, négligé un instant, va pour lui devenir visible sans ombre ni réticence. Comme si le peintre ne pouvait à la fois être vu sur le tableau où il est représenté et voir celui où il s'emploie à représenter quelque chose. Il règne au seuil de ces deux visibilités incompatibles. All go away. just want something I can never have. Le peintre regarde, le visage légèrement tourné et la tête penchée vers l'épaule. Il fixe un point invisible, mais que nous, les spectateurs, nous pouvons aisément assigner, puisque ce point, c'est nous-mêmes. Notre corps, notre visage, nos yeux. Le spectacle qu'il observe est donc deux fois invisible, puisqu'il n'est pas représenté dans l'espace du tableau et puisqu'il se situe précisément en ce point aveugle, en cette cache essentielle où se dérobe pour nous-mêmes notre regard, au moment où nous regardons. Et pourtant, cette invisibilité, comment pourrions-nous éviter de la voir là sous nos yeux? puisqu'elle a dans le tableau lui-même son sensible équivalent, sa figure scellée. On pourrait en effet deviner ce que le peintre regarde s'il était possible de jeter les yeux sur la toile à laquelle il s'applique. Mais de celle-ci, on n'aperçoit que la trame, les montants noirs à l'horizontale et à la verticale, l'oblique du chevalet. Le haut rectangle monotone qui occupe toute la partie gauche du tableau réel et qui figure l'envers de la toile représentée restitue sous les espèces d'une surface l'invisibilité en profondeur de ce que l'artiste contemple, cet espace où nous sommes que nous sommes. Des yeux du peintre à ce qu'il regarde, une ligne impérieuse est tracée que nous ne saurions éviter, nous qui regardons. Elle traverse le tableau réel et rejoint en avant de sa surface ce lieu d'où nous voyons le peintre qui nous observe. Ce pointillé nous atteint immanquablement et nous lie à la représentation du tableau. Thank you. fond par la vallée de l'oued Mia, un chacal aboie. Par intervalle, quand un rayon de lune, crevant d'argent les nuages gonflés de chaleur, lui fait croire au jeune soleil, une tourterelle roucoule dans les palmeraies. Thank you. Saturday sun came early one morning in a sky so clear and blue. But Saturday sun came without warning, so no one knew what to do. Saturday sun brought people and faces that didn't see much in their day. But when I remember those people and places, they were really too good in their way. In their way, in their way. But Saturday sun won't come and see me today. Think about stories with reason and rhyme, circling through your brain. Think about people in their season and time, returning again and again, and again, and again. But Saturday sun has turned to Sunday's rain. So Sunday sat in the Saturday sun and wept for a day gone by. Un pas au dehors, je me penche à la fenêtre. Une ombre vêtue d'étoffes noires et luisantes glisse sur le pisé de la terrasse du fortin. Un éclair dans la nuit électrique. L'homme vient d'allumer une cigarette. Il s'est accroupi face au midi. Il fume. Thank you. grown, I'll tone up and you'll tone down, down. It'll be fine, I'll get a ride sometime. I'll take a back street, I'm standing around. Shake and grind, by leading the blind. A back beat, in the back, in the back streets. They sneak up from behind. I'll take yours and you take mine. I don't know. Thank you. lost before I met you. I was lost, I was in the dark, I was in the dark, I was in the dark. C'est Seguir Bensheikh, notre guide Targhi, celui qui dans 3 jours va nous entraîner vers les plateaux inconnus du mystérieux Imoshaosh, à travers les Hamadas de pierre noire, les grands ouates desséchés, les salines d'argent, les gours fauves, les dunes d'or mat que surmonte, quand souffle l'alizé, un tremblant panache de sable blême.